つもりで弾いています。 Au loin, dans la nuit, on arrive, ma super S6 fait du bruit. Les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Après vous, madame, ouais, après vous, madame, de toute façon, moi, je suis toujours là. Ouais, je suis là tous les soirs avec deux, trois pétards, on refait le monde dans ça reste moi. Avant de penser à les chiller, vas-y fais entrer les billets. Fais entrer les billets, violet, vert, orange, le turquoise. Le jean il est déchiré, une allure un peu givrée. J'envahis ton cœur, tes pensées. Mais là je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Il y a du monde dans le rétro, je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Je suis concentré sur autre chose. La ville scintille, au loin, dans la nuit, on arrive, ma super S6 fait du bruit. Les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Et appelez-vous madame, oui, appelez-vous madame, de toute façon moi, je suis toujours là. Je suis là tous les soirs avec deux, trois fêtards, on voit le monde dans sa RS3. Ouais, habiba, qu'est-ce qu'elle? Tu veux que je pose des talons, et sous tes pieds les pétales, ouais. C'est sale, quand il y a tous mes sables, on fait chiser le marchand de sable, et on t'invite à nos tables, ouais. Ma super S6 fait du bruit, les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Et après vous madame, oui après vous madame, de toute façon moi, je suis toujours là. La dolce vita, la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita.